venez de trucider votre patron car il vous avait mal parlé, vous arrondissez vos fins de mois en vendant de la drogue et vous venez de vous faire arrêter. Attention, trop de séries télé peuvent nuire à votre vie et à celle de votre entourage. Il est par exemple déconseillé de regarder les 6 saisons de Game of Thrones sans s'arrêter. Pensez à faire des pauses toutes les 2 heures et profitez-en pour vous restaurer et vous réhydrater. Ceci était un message de la prévention psychologique. Ça va pas la tête.